Boudin. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, on regarde la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone pour une pâté de maison comme un vieux livre que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 30 janvier 2025. On approche de la fin de ce premier mois de cette année 2025, fin de ce mois de janvier. Dernier rendez-vous de ce programme, des mots, des sons sensibles, actualité politique, sociale et culturelle. Actualité culturelle en ce jour et ce sera un programme sous une forme son sensible. En effet, actualité culturelle et un appel lancé debout pour la culture. On arrête de subir et on se lève. C'est un appel lancé un peu partout en France, à Nantes, à Bourges, à Lyon, à Lille, à Angers, à Villeurbanne, au Mans, à Saint-Étienne. Bref, partout en France, dans toutes les salles. Tout le monde est appelé à se mettre debout pour défendre la culture et le service public. La culture bien malmenée, il faut le dire. Nous avons sollicité pour ce programme aujourd'hui l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, l'UFISC, qui est une fédération professionnelle réunissant 16 réseaux et organisations employeurs de l'économie sociale et solidaire dans le champ culturel, soit plus de 2500 structures non lucratives, associatives ou coopératives dans divers domaines. L'UFISC qui vient de lancer un appel là aussi, une tribune, un communiqué il y a quelques jours de cela, sous l'intitulé et la question posée, la politique du gouvernement se fera-t-elle avec ou contre la culture dans les territoires? Alors l'UFISC n'a pu nous rendre réponse et confirmer ce rendez-vous du jour. On aura l'occasion de les retrouver, j'imagine, dans un programme à venir pour faire le point en effet sur la situation culturelle et surtout une mise au point sur la politique culturelle actuelle, alors que c'est en termes budgétaires aussi que se décident actuellement les choses. En tout cas, la politique de Dio se fera bel et bien avec la culture dans son territoire aujourd'hui. Actualité culturelle, des sons sensibles, on va partir un peu dans tous les sens du son avec pas mal d'actualités discographiques, concerts et partenariats et rester à l'affût, à l'écoute. Nous allons aussi vous encourager à fréquenter nos salles avec des places de concert à gagner sur des rendez-vous événements attendus durant ce mois de février à Saint-Étienne. Alors on débute ce programme des sons sensibles avec précisément nos découvertes et partenariats Ferrarock comme chaque semaine. Double artiste album en proposition. Diffusion, présentation, programmation et jeux concours après Walter Astral que je vous ai proposé en début de semaine. Je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur l'autre artiste et album défendu cette semaine. Il s'agit de Cocon Javel pour l'album Put All Your Money Into Therapy. Un nouvel EP plus qu'un album qui est sorti il y a quelques jours, c'était le 24 janvier dernier, en autoproduction, même si derrière ce projet aussi on retrouve le soutien de Irascible Records. C'est un peu une habitude depuis ce début d'année. On est du côté de Berne avec ce nouveau projet et ce groupe émergent, Cocon Javel, qui sort une œuvre aux multiples facettes, qui brouille assez les frontières entre musique électronique, expérimentale, pop et rock. Ils sont trois, c'est un trio, Cocon Javel, emmené par Julie, Atina et Mélusine, qui qualifient leur propre style de Candy Roquefort. Ah oui, c'est comme ça. Quatre morceaux au sein de cette EP qui abordent des questions sociales urgentes, tels que le rapport à son corps, la santé mentale, ainsi que les défis de l'optimisation de soi. Je vous propose de découvrir un titre issu donc de cette EP, enregistrement qui a eu lieu en été dernier, juillet et août 2024, dans le studio de la Haute École des Arts de Berne. EP que je vous propose de découvrir avec ce titre en ouverture ici, issu de ce Put All Your Money Into Therapy. C'est le titre Tell the Truth, des sons sensibles. C'est parti. Life is still a fair game. Everybody Tell the Truth, on va tenter de vous dire la vérité, rien que la vérité. C'est un titre issu de ce nouvel EP de Cocon Javel, Put All Your Money in Therapy, qui est sorti le 24 janvier dernier via Irascible Records. C'est une découverte et un partenariat Ferrarock cette semaine. Plus d'infos, bien sûr, en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org ou en écoutant également, bien sûr, le programme mutualisé et collectif Dig Dig Diggers, avec bien sûr au programme une interview de Cocon Javel réalisée par Radio Méga. Vous retrouverez l'autre découverte cette semaine, l'album de Walter Astroll, avec une interview réalisée par Radioactive, et vous retrouverez même une autre petite interview et module supplémentaire découverte, interview du groupe Bol par Jet FM. C'était lors des Bars en Trans 2024. Dig Dig Diggers, ce sera bien sûr ce vendredi 12h-19h et le lundi en matinale dès 8h. L'affaire Arock, qui est précisément membre de l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles. Une fédération professionnelle réunissant 16 réseaux et organisations employeurs de l'économie sociale et solidaire dans le champ culturel. Ce sont donc des dizaines, centaines, milliers de structures culturelles non lucratives, associatives ou coopératives, intervenant dans divers champs et domaines. Alors, reprise dans ce programme de notre rubrique dont on vous a tant parlé et fait part en fin d'année 2024, PLF 2025, projet de loi de finances. Qui veut la mort des radios associatives ? Élargi aujourd'hui à qui veut la mort de la culture. Et oui, dernières informations relatives à l'avancée des débats relatifs à ce projet de loi de finances 2025 et plus particulièrement concernant le FSER, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, un fonds de soutien qui soutient précisément le secteur audiovisuel et notamment nos radios associatives dépendant du ministère de la Culture. Alors suite à la censure du gouvernement Barnier et à la nomination d'un nouvel exécutif, les discussions sur ce PLF 2025 ont repris au Sénat sur la base du texte initial présenté par le gouvernement, sans tenir compte des débats ni des amendements adoptés à l'Assemblée nationale. Concernant le budget culture et donc le FSER, les discussions ont repris au Sénat, c'était le 17 janvier dernier. À cette occasion, plusieurs amendements ont été déposés par les différents groupes politiques. Le gouvernement a également déposé un amendement visant à réabonder le budget FSER 2025 de 10 millions d'euros, car vous le savez qu'il était envisagé de l'amputer à hauteur de 30%. L'amendement présenté par le gouvernement ainsi que tous ceux du même montant ont été donc adoptés le vendredi 17 janvier dernier. Plus de trois mois après son dépôt au Parlement, le projet de budget de l'État pour 2025 est enfin soumis dans son ensemble au vote du Sénat. C'était jeudi 23 janvier dernier, après-midi. Alors, cette proposition réintègre bien ce réabondement de 10 millions d'euros du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et tout se joue encore aujourd'hui, alors que se tient depuis ce matin une commission mixte paritaire, la CMP, qui est donc prévue pour tenter de trouver un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de loi de finances 2025. Cela se tient depuis ce matin, 9h30. Comme souvent au Parlement, la suite de cette procédure donc se déroule en commission mixte paritaire à l'Assemblée depuis ce matin, où 7 députés et 7 sénateurs doivent s'accorder sur ce texte modifié par le Sénat. Alors pour le budget, la gauche sera en minorité dans cette commission mixte paritaire avec 3 élus socialistes, 1 élu France Insoumise contre 8 sur 14 pour le socle commun, soit l'ex-majorité présidentielle et les LR et 2 rassemblements nationaux. Alors, ce texte est examiné depuis ce matin en commission mixte paritaire. Alors bien sûr, nous restons très attentifs et vigilants sur à la fois l'issue de cette commission et sur la suite de la procédure législative. Et nos syndicats nationaux, notamment, continuent les échanges avec les services du ministère de la Culture et les parlementaires. Mais il est important de souligner que malgré cette plutôt bonne nouvelle avancée pour le FSER, réabondé à hauteur de 10 millions, c'est le budget global de la culture qui connaît une diminution par rapport aux prévisions initiales où il devait être maintenu au même niveau. Mais une contraction budgétaire qui a des répercussions notables, tant au niveau national que local, notamment sur les collectivités territoriale. Et oui, c'est que le gouvernement, avec ce projet budgétaire, condamne aussi les collectivités à faire des économies et qui porteront évidemment principalement sur des secteurs où ces collectivités n'ont pas de compétences obligatoires. Suivez mon regard. Il s'agit bien sûr de la culture. La culture, bien et bien menacée. La politique du gouvernement se fera-t-elle avec ou contre la culture dans les territoires? C'est un communiqué qui a été lancé ce 21 janvier dernier à l'initiative de l'UFISC, donc cette Union fédérale d'intervention des structures culturelles, réseau national. J'avais sollicité l'UFISC pour un rendez-vous et interview téléphonique ce jour, rendez-vous reporté. Néanmoins, je vous fais part de ce communiqué. Mardi 14 janvier, la ministre a présidé le CNPS. Le CNPS qui est le Conseil national des professions du spectacle et a assuré aux organisations présentes et aux représentants de collectivités territoriales qu'elle maintiendrait le budget du ministère de la Culture. L'UFISC l'a alors interpellé sur le fléchage de ce budget vers les structures les plus fragiles, appelant à une politique culturelle de la diversité et de la solidarité. Vendredi 17 janvier dernier, vive incompréhension face à un amendement gouvernemental qui réduit les budgets du ministère de la Culture de 41 millions d'euros pour la création artistique et 33 millions pour la délégation au territoire et à la démocratie culturelle. Est-ce une nouvelle baisse qui ferait suite à l'amputation de 200 millions d'euros du budget de la culture de 2024 décidé par décret gouvernemental? Quelle lecture faut-il avoir de ces diminutions alors que la ministre annonce parallèlement la création d'un fonds d'urgence? L'UFISC souhaite une véritable ambition pour la diversité artistique et culturelle. Lors de son discours en CNPS, la ministre a paru remettre en cause la hauteur des financements du fonds PEPS, aide à l'emploi indispensable au secteur du spectacle. Face au désengagement des collectivités, sans expression publique sur la coupe catastrophique opérée par la région du Pays de Loire auprès du tissu associatif, en particulier culturel, elle a proposé une liste des structures qui seraient dites d'intérêt national à sanctuariser. Et que resterait-il alors pour les autres, celles qui font la diversité artistique et culturelle, la création dans ses multiples formes, les relations de proximité et de participation, le travail quotidien d'éducation populaire et d'émancipation, seront-elles incluses dans le fonds d'urgence voulu par la ministre, majoritairement exclues du plan Mieux produire, mieux diffuser, seraient-elles prises en compte et invitées à participer à la construction des contrats de territoire de la création artistique, ou ce nouveau contrat sera-t-il seulement une manière déguisée de sécuriser les structures les plus solides. Aujourd'hui, c'est tout l'écosystème artistique et culturel qui serait mis en danger par une décision du gouvernement de baisser drastiquement les budgets de la culture. Nous savons qu'une telle baisse risquerait de renforcer encore la concentration des moyens des DRAC, les directions régionales d'affaires culturelles, et des collectivités territoriales sur leurs opérateurs, déniant le rôle du tiers secteur culturel, tissu associatif et d'économie sociale et solidaire. Faut-il le rappeler, la majorité du champ artistique et culturel dans le spectacle, les arts visuels, les radios, l'audiovisuel, etc., est constitué de structures non lucratives et d'utilités sociales qui souffrent d'une précarité aiguë. Ce sont des équipes artistiques, des lieux associatifs, des lieux intermédiaires, des espaces de pratique et des écoles, des médias citoyens, des festivals, des collectifs citoyens qui maillent les territoires locaux. Leurs modèles économiques sont tendus, l'inflation pèse sur les salaires modestes, la tension croît fortement sur leurs emplois. Or, ces structures poursuivent inlassablement leur travail pour plus de participation de nos concitoyens et concitoyennes à la vie artistique et culturelle. Elles sont en effet convaincues que l'art et la culture sont un ferment puissant pour construire du commun, que l'art et la culture sont indispensables à la liberté des personnes, que l'art et la culture permettent la relation, le partage et la solidarité. Elles sont présentes et fortement ancrées sur l'ensemble du territoire national et notamment dans les territoires ruraux, ceux-là même qui sont mis en avant dans le plan culture et ruralité défendu par la ministre et dans lesquels elles montrent toute leur capacité d'intervention, d'adaptation et de mise au travail des droits culturels des personnes. L'UFISC, au travers cette tribune et ce communiqué, affirme et réaffirme l'engagement de mobilisation et de co-construction de cet intérêt général si nécessaire aujourd'hui, demande le retrait de toute baisse des crédits du ministère de la Culture dans le projet de loi de finances 2025 et le redéploiement des crédits du Pass Culture individuel pour soutenir le tissu culturel d'intérêt général, exige que le tiers secteur culturel soit partie prenante des discussions et des concertations au niveau national et territorial et a demandé bien sûr à rencontrer la ministre de la Culture comme elle y avait invité lors de ce Conseil national des professionnels du spectacle pour faire valoir donc les réalités et les diverses propositions. Rendez-vous qui avait été convenu le 24 janvier dernier, puis finalement annulé. Bref, l'UFISC et tout son réseau national appellent l'État, les élus, les collectivités territoriales, les actrices et acteurs de l'écosystème culturel, tous les partenaires du champ social et solidaire, durement touchés également, les citoyennes et citoyens, à s'engager pour une politique de la diversité et de la solidarité. C'est donc une tribune et un communiqué signé par l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, dont est signataire et membre la Ferraroc, comme je vous le disais. Rendez-vous annulé le 24 janvier dernier. Et puis, lundi, c'était et se tenaient les vœux de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Alors, précisément à cette occasion, et aux côtés bien des syndicats du spectacle vivant, il a été décidé de se draper dans des couvertures de survie pour transmettre ce message clair face aux coupes annoncées dans le budget du ministère de la Culture. Dans le cadre de ce projet de loi de finances 2025, les structures culturelles n'ont que de choix que de passer en mode survie. D'où l'impératif que la situation change d'ici ce vote du budget et puis de ce travail en commission mixte paritaire qui se tient depuis ce matin, comme je le disais, 9h30. Vous avez sans doute vu les différentes lettres ouvertes, différentes tribunes communiquées qui rappellent cette situation catastrophique et qui notamment appellent tous les acteurs, actrices culturelles et publics concernés à défendre la culture plus que jamais, d'arrêter de subir et de se lever debout pour la culture dans toutes les salles, tout le monde appelé à se mettre debout pour défendre la culture et le service public. Et oui, on a cette injonction à inventer de nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, peu de marge de manœuvre. Il faut surtout ne pas laisser penser que la politique culturelle n'a pas à être financée par l'argent public et puis doit se réinventer dans un modèle économique privé. Ce serait jeter un soupçon, un discrédit sur l'ensemble de ce secteur et puis sur toute la profession auprès même de l'opinion publique. Ce serait même réviser finalement notre histoire contemporaine en oubliant que ce modèle-là s'est construit après la Seconde Guerre mondiale sur cette émancipation par un accès à la culture et au savoir. C'est une démocratie qui serait en forte régression, voire niée politiquement, niée l'apport indispensable à la bonne santé de cette démocratie, des services publics, dont celui de l'art et la culture. Alors, on l'a entendu, en effet, les collectivités menacées qui n'en feraient pas leur priorité et qui n'auraient plus ou pas compétence, en effet, obligatoire en la matière. Et on a vu, malheureusement, cela s'illustrer au travers divers exemples. Alors, il y a eu le secteur culturel des Pays de la Loire qui a subi fortement, avec un discours très décomplexé de la présidente de région, Christelle Morand. Coupe drastique, je le rappelle, allant jusqu'en 73% du budget de fonctionnement de la culture. Et puis, il y a eu encore ce début de semaine, on l'apprenait via la presse et le journal Libération en l'occurrence, qui faisait part de cet article, c'était mardi soir, avec cette coupe engagée sur le conseil départemental de l'Hérault. En effet, Voilà, un autre exemple sur les collectivités de droite. Mais c'est là pourtant un département de gauche qui a annoncé un budget nul pour la culture en 2025. Un désengagement historique qui met en danger, bien sûr, l'avenir du secteur. C'est Kléber Mesquida, président socialiste du conseil départemental de l'Hérault, qui a annoncé lors d'une réunion avec les vice-présidences du conseil départemental une coupe de 100% du budget alloué à la culture dans son département. Et puis, menace encore, un peu plus proche, et ici même, finalement, dans notre région. Et là, je reprends message et communiqué de Joris Mathieu, qui gère le théâtre Nouvelle Génération, CDN, Centre Dramatique National de Lyon, et qui est coprésident du Syndéac, qui est le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, et qui alertait dans un message le budget culture en trompe-l'œil pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2025. Alors je vais le reprendre dans les grandes lignes, présenté à la presse comme étant en baisse de seulement 3,5% pour réaliser 2,5 millions d'économies. La section culture, sport, loisirs du budget 2025 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, votée en décembre dernier, est en réalité extrêmement préoccupante pour le financement de la création. Spectacles vivants, arts visuels, images, livres, enseignements, festivals. En effet, dès qu'on entre dans le détail des chiffres, comme l'ont fait les élus de l'opposition à la région, on voit très clairement que si dans les grandes masses des économies semblent relatives, moins 3,5%, la répartition des efforts pèsera en réalité très fort sur la création notamment, moins 13%. Les crédits alloués au patrimoine sont, quel étonnement, en nette augmentation, 9,5 millions de plus pour les investissements patrimoniaux, en augmentation de 42%. Les lignes budgétaires 311 et 312, qui concernent respectivement l'enseignement artistique et les activités artistiques et culturelles, connaîtront, elles, une baisse de 12,7% en 2025, ce qui correspond en réalité à près de 5,3 millions d'économies. Et dans le détail de ces lignes budgétaires, on peut voir que, là aussi, les fonds alloués aux investissements sont paradoxalement en augmentation de plus de 3,3 millions quand les crédits alloués au fonctionnement dégringolent. Cela veut bien dire que toutes les économies réalisées par la région Auvergne-Rhône-Alpes en termes de dépenses artistiques et culturelle prévoit d'être demandé à l'activité de création et d'éducation artistique. Ce sont donc plus de 5 millions de coupes budgétaires qui sont actuellement prévues en 2025 sur l'activité de création et d'enseignement artistique. Cela représente l'équivalent du cumul de deux années de coupes drastiques pratiquées en 2022 et 2023. En euros, c'est un montant équivalent à l'annonce de la coupe de 100% finalement du budget culture du département de l'Hérault. Et à ce stade, personne ne sait quels seront les lieux et équipes artistiques ou les secteurs impactés par ces coupes. Mais les projets seront forcément très nombreux à être fragilisés. Voilà pour ce point alerte culture et cette rubrique projet de loi de finances 2025. Qui veut la mort de la culture ? Affaire à suivre sur Duo. Alors on en profite pour faire une petite proposition musicale plutôt... Bienvenue tout en transition. Nos corps, pourquoi pas culturellement et politiquement menacés. Le fou dans la voiture, c'est un titre issu du tout dernier album de nos locaux de Terre Noire qui vient de paraître. C'était ce 24 janvier. Et un fou au volant de la voiture. Il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture. Il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture. Et il tient le volant, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Maman, et un fou dans la voiture. Et il tient le volant, il tourne à droite, il tourne à droite, il tourne à droite dur. C'est pas de la maladresse. Ça se voit que c'est pas de la maladresse. Et c'est le mal, est-ce que c'est le mal? Et c'est le mal, est-ce que c'est le mal ça? C'est le mal, et c'est le mal, est-ce que c'est le mal ça? C'est pas de la maladresse. Dubaï n'est pas le paradis. Les stars ne sont pas sympathiques. Pas besoin de tout le temps paradis. L'enfer n'est pas le paradis. Où est le paradis? Casino gagne toujours à la fin. Les puissants veulent garder tout ce qu'ils ont. On se fait manger par des images. T'as pas besoin de la doudoune Prada. Et un fou au volant de la voiture. Il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture. Il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, il tient le volant. Il tourne à droite, il tourne à droite dur. Maman, et un fou dans la voiture, il tient le volant. Il tourne à droite, il tourne à droite dur. Maman, c'est pas de la maladresse. Ça se voit que c'est pas de la maladresse. Le fou dans la voiture qui tourne bel et bien à droite. En effet, c'est Terre Noire. Terre Noire qui eh bien vient de sortir son tout dernier album, Protégé, qui est sorti ce 24 janvier dernier via leur propre label, Black Paradiso, avec le soutien de Virgin. Et oui, alors voilà, Protégé et Terre Noire, ce n'est pas qu'un disque, c'est un territoire, selon le duo, un lieu d'exploration. Et un abri. Alors les deux frères de Terre Noire cartographient comme ça en 14 musiques. Et bien ce petit monde avec Protégé. Ils avaient déjà sorti Les Forces Contraires, premier album, donc de Théo et Raphaël Herrerias, qui les avait révélés au public français. Sacrée révélation de l'année aux Victoires de la Musique 2022, on le rappelle, une grande tournée de 120 dates. Ils organisaient aussi, il y a deux ans de cela, c'était en septembre 2023, leur propre festival à Terre Noire, ce quartier de Saint-Étienne où ils ont grandi. Et puis cela fait quelque temps déjà qu'ils travaillaient à l'écriture de ce deuxième disque, percuté par divers événements. Et c'est ce qu'ils finalement restituent au sein de cette production, des événements intimes, politiques, qui sont parfois aussi venus troubler les choses ou la direction. Alors il y a l'amour, il y a la maladie, il y a les inquiétudes politiques secouant le pays, comme on vient de l'entendre, au travers de ce titre. Un très beau disque, 14 morceaux. Donc pour les Terres Noires, c'était l'occasion de vous parler de leur actualité. Autre actualité justement, parce que Terre Noire a été un de ces groupes soutenu par les Inuits du Printemps de Bourges, c'était en 2018. Et ils seront demain, en tout cas ce sera le 16 avril prochain, en concert à l'Auditorium du côté de Bourges pour le Printemps de Bourges 2025. Les Inuits, c'est un dispositif de soutien et c'est un réseau, le réseau Printemps. Alors il y a eu la révélation des 150 artistes présélectionnés. Il y a eu 5 semaines d'écoute attentive, 28 antennes un peu partout en France et ailleurs, accompagnées de divers professionnels de la profession, je dirais, donc sur le territoire national, l'outre-mer et la francophonie, qui ont sélectionné eh bien, ces artistes avec plus de 3500 candidatures reçues, et ce sont aujourd'hui 150 artistes qui ont été présélectionnés donc avec les concerts auditions régionales qui vont se dérouler jusqu'au 8 février prochain. Ce sont des antennes régionales, donc des présélections régionales avec des artistes régionaux. Et donc il va y avoir plus de 25 salles réparties à travers l'Hexagone et l'île de la Réunion également qui vont proposer ces sélections live. Alors 150 artistes présélectionnés, on ne peut pas vous les lister bien sûr de façon exhaustive, mais autant vous dire que dans notre région, eh bien un autre duo, après deux frères, deux sœurs, c'est le duo Malaka qui a été sélectionné et qui a pu se produire précisément récemment. C'était du côté de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand et qui font partie de ces présélections régionales des Inuits du Printemps de Bourges, avec encore, deux autres dates pour ces concerts présélection qui vont se tenir les 5 et 6 février prochains au Brise-Glace. Ce sera à Annecy. On se souvient l'avoir réalisé ici même à Saint-Étienne au fil il y a quelques éditions de cela. C'est le principe hein, que de tourner bien sûr sur les différentes salles de la région pour ces Inuits du Printemps de Bourges. Voilà l'occasion simplement de donner un petit coup de projecteur aussi sur nos artistes locaux. Et l'on va continuer avec un autre groupe et une autre aventure musicale, parce qu'on vient de l'apprendre. En effet, j'ai reçu ce petit message de Salut l'Orage, qui a été sélectionné pour un autre prix, autre registre. C'est le Pernod Ricard 2025. Et oui, ça sonne un peu alcoolo, mais c'est tout de même un dispositif de repérage qui peut avoir bien sûr son intérêt. Et sachez que cela se passe sur principe de soutien et de vote. Et donc, il y a jusqu'à dimanche prochain pour faire voter un maximum de personnes pour soutenir notamment Salut l'Orage, notre duo stéphanois, notre groupe stéphanois. Alors ça se passe via Société Pernod Ricard France livemusic.fr. Le candidat 2025 et le prix 2025, c'est Salut l'Orage. Et vous pouvez éventuellement apporter donc votre soutien. Salut l'Orage, qui était en concert il y a quelques jours de cela, c'était le 24 janvier dans la région Château du Rosier à Feur, qui sera le 12 février prochain, notamment en concert du côté de Lyon. Et puis, qui sera encore en concert au mois de février, mi-février, les 15 et 16 février, à l'hippodrome de Saint-Galmier pour un événement intitulé Loire-Bière Festival. Alors là, c'est un ensemble de brasseries qui mutualisent, s'organise finalement pour organiser cet événement. Il y aura des concerts, des dégustations, des ventes bien entendu et autres petits plaisirs. Donc ce sont 13 brasseries qui se sont réunies. Alors on les connaît dans la Loire, la brasserie stéphanoise, la brasserie indépendante de Montbrison, la brasserie de la Loire, la Farlaudoise et la part des autres et j'en passe. 13 brasseries donc qui organisent ce Loire Bière Festival les 15 et 16 février, samedi et dimanche prochain à l'hippodrome de Saint-Galmier, sur la commune de Saint-Galmier, 52 route de Cuzieux pour être précis. Et dans cette soirée-concert du samedi soir, il y aura Spirit Bloom, Kétan, autre groupe local, et Salut l'Orage. Alors ça tombe bien parce que Salut l'Orage va sortir et présenter un nouveau titre qui sortira quelques jours auparavant et dans quelques jours, ce sera le 7 février prochain, le vendredi 7 février prochain. Le titre c'est De la sueur et des larmes. Eh bien je vous propose tout simplement de les écouter sur Dio, dans des sons sensible. 6 ans de vie à 100 à l'heure, l'ego abîmé, j'essaye d'apprendre de mes erreurs. Mais le vice est borné, y'a plus que de moi-même que j'ai peur. Viens pas me parler, je suis un vrai trou noir comme Jim Hopper. Je brûle tout ce que j'effleure. Le bonheur est en pause, je suis bon qu'à écrire des chansons tristes. La vie d'artiste me colle à la peau. Je mets tout ce que j'ai dans ces quelques mots. Ça me guérira pas, mais faut bien que j'en fasse quelque chose. Plus j'avance, plus je ressens en moi les dissonances. Y'a de moins en moins de gens en qui j'ai vraiment confiance. Je me sens seul, je suis pas vieux, j'ai une colère immense. Je suis qu'un homme, je m'en veux, je vois mes démons qui dansent. Je crois plus en l'avenir qu'on nous promet. Je distingue toujours pas le sommet. J'ai fait du mal, j'en ai perdu le sommeil. Bloqué dans l'hiver, pas la sortie. J'ai dit que j'étais prêt, mais en vrai j'ai menti. J'ai le cœur en miettes, les idées assorties. Les fleurs du bouquet envahies par les sorties. J'ai voulu bien faire, mais c'est toujours la même. On finit par décevoir tout ce que l'on aime. De la sueur et des larmes sur nos épidermes. Je suis comme dans un mauvais rêve et la nuit s'éternise. Souvenirs brûlants reviennent encore. Tristesse couchée sur 2 accords. Douleur trahie par la voix qui flanche. Les yeux fermés pour rester tanche. Y'a comme un vide, comme un manque dans le système. Un incendie, un monstre dans l'abdomen. Le soleil brille mais je capte pas la lumière. Non, non. Attiré par ce qui nous nuit. On cède et on oublie. Le passé nous poursuit, une taffe et un verre vite figurant dans la matrice. Je vois l'espoir qui s'éclipse, je voudrais m'envoler, mais j'ai les 2 pieds dans les abysses. Je crois plus en l'avenir qu'on nous promet. Je distingue toujours pas le sommet. J'ai fait du mal, j'en ai perdu le sommeil. Bloqué dans l'hiver, je trouve pas la sortie. Que j'étais prêt mais en vrai j'ai menti. J'ai le cœur en miettes, les idées assorties. Les fleurs du bouquet envahies par les hommes. De la sueur et des larmes, c'est par le groupe Salut l'Orage et c'est un nouveau titre qui va paraître le 7 février prochain, sorti qui sera d'ailleurs accompagné d'un clip qui a été tourné au fil à Saint-Étienne. Et puis il y a eu aussi une captation live que vous retrouvez en ligne du côté du PAX il y a quelques temps de cela. Salut l'Orage donc pour ce nouveau titre, je le disais, 7 février, qui sera en résidence ensuite du côté des abattoirs, avant pas mal de dates prévues sur ce printemps 2025, je le disais à Lyon le 12 février, à Saint-Galmier le 15 février, dans le département de la Loire, ce sera encore à Rouen, à l'Eclipse, le 12 avril prochain, avant un nouveau temps de résidence, la sortie d'un nouveau single, et puis d'autres dates, et localement, pas mal de dates dans le 42, à partir de juin, il y aura un festival à Marcenau le 7 juin, Saint-Symphorien-sur-Coise le 14 juin, la fête de la musique le 21 juin à Saint-Étienne, Montbrison encore le 6 juillet, et j'en passe. Bref, voilà pour l'actualité de Salut l'Orage. On en profite pour enchaîner avec... toujours focus sur des artistes locaux, régionaux ou originaires d'eux. Là, il faut bien le dire, c'est une artiste qui m'a recontacté pour me faire part de cette nouvelle aventure musicale. Il s'agit d'un trio, Ellis Island, dans lequel Sophie fait de la batterie avec une violoncelliste et un guitariste. Alors c'est pas véritablement une nouvelle aventure, mais je dis nouvelle aventure rapport à d'autres projets déjà menés ou parfois de front, puisque là il s'agit de leur troisième album, Le Désordre, qui est sorti il y a quelques jours de cela en vinyle et en numérique. C'était le 10 janvier dernier pour être précis. Alors c'est des compos qui sont dans une veine assez ambiante, indie, rock, slowcore, sadcore, quelques références données, Tabata Crash, Sons of Frida, Kandinsky Complex, et j'en passe. Et des influences pour Sophie qui vont de Slint, Smog, Bonnie Prince Billy, Songs Ohio, Cat Power, et bien d'autres encore. Alors, l'occasion de vous faire découvrir ce projet Ellis Island, Sophie, originaire de Saint-Étienne, qui est parti sur Paris depuis et qui mène donc ses autres aventures musicales, dont ce Ellis Island qui existe depuis 2018 maintenant, qui est sorti le 10 janvier, qui est soutenu par différents labels là aussi qui co-soutiennent et mutualisent en termes de sorties. Il y a Tête Froide Records, Gued Label, Araki Records, Bad Elf Records, Brainstorming Records, Atypic Music. Eh bien, je vous propose donc de découvrir ce groupe, donc emmené, je le disais, par Sophie Katakoff à la batterie et au chœur, Aurore Bastin au violoncelle et chant, et Benoît Malvergne, guitant, chant, cornet à piston. Alors, j'ai extrait un titre issu de cet album qui n'est autre que... Alors non pas Le Désordre, mais qui tout simplement, pour vous en donner une idée, c'est toujours bien de commencer aussi comme ça par le commencement, titre d'ouverture, ça s'appelle Step. Thank you. will step on your face. Don't you know that you're too slow? You're so slow, you're so slow. Don't think I will let you run. I will step on your face. Don't you know that you're too slow? Now you know, now you know. Voilà, c'était le titre Step, issu de cet album Le Désordre de Ellis Island, avec Sophie qui a sévi dans bon nombre de groupes de la scène indé stéphanoise aujourd'hui à Paris et qui mène depuis 2018 donc ce projet. Troisième album, Le Désordre, je le disais, Ellis Island. Vous avez même en ligne, si vous cherchez ici et là sur la toile, un des morceaux de l'album The Darkness, notamment, qui a fait l'objet d'un petit clip. On tourne une petite page concert dans ce programme des sons sensibles et pour arriver tranquillement dans notre dernière ligne droite, avec alors pas mal de choses à vous proposer. Notamment, vous annoncez par exemple le Rhino Jazz Festival. Vous le savez, c'est un festival qui se tient principalement à l'automne et tout le mois d'octobre, mais qui organise aussi régulièrement des concerts tout au long de l'année au sein de son château, le château du Jarret, siège du Rhino Jazz, basé à Saint-Chamond. Eh bien, un concert attendu ce jeudi 30 janvier. Attention si vous chopez la rediff. Les jeudis du château, c'est des rendez-vous réguliers du Rhino Jazz. Eh bien, un concert ce jeudi 30 janvier à 19h avec Equinox. Equinox qui est un trio lyonnais porté par la pianiste-chanteuse Elodie. Et on retrouve du piano, certes, assez sensible et virtuose qu'elle est au jeu de piano, mais qui est aussi entourée d'une section rythmique efficace. Equinox, c'est en concert ce 30 janvier 19h donc au château du Jarret à Saint-Chamond. Et puis une autre petite page concert, avec tout de même ce festival qui se déroule chaque début d'année, c'est le festival des Polissons. Polisson, ça a commencé ce 17 janvier dernier jusqu'à ce 8 février prochain. C'est la 22e édition de ce festival qui se déroule dans le forêt et dans la région de Montbrison. Pas mal des dates depuis son ouverture et d'artistes déjà invités et qui ont fait la belle programmation de ce festival. Des grands noms de la chanson, Louis Chédid, Nos Locaux des Mécanos, Volo, Catherine Ringer en poésie, c'était ce début de semaine. Barcella, programmé ce soir, il y a encore Martin Luminet, il y a encore La Cogneuse, il y a Yves Jamais. Et puis Zilia, je voulais faire un petit focus parce que c'est toujours un plaisir que de revenir sur ce grand nom de la chanson française, mais qui nous vient de Bruxelles, sa fameuse ville qu'il a en toute beauté mise en chansons et en mots. Il s'agit du grand Dick Angarn, véritable légende alors je dis Bruxelles, mais en fait il est néerlandais, et qui fête ses 50 ans de poésie, 50 ans pour un premier album, où on avait déjà cette ode faussement naïve à la nature. On se rappelle de Sacré Géranium et autres, les petits coups de blues, Bruxelles, et puis son petit bestiaire musical. Ça va de Bébé Éléphant à ce Mireille que je vous propose de découvrir, et j'en profite pour faire un hommage à ma Mireille à moi. Et oui, petit coup de dédicace à ma maman. Et oui, voilà, c'est Mireille, c'est Dick Annegarn, et c'est un double plateau qui est attendu en chanson agricole pour Dick Annegarn. Ce sera ce samedi 1er février à l'espace Guy Poirieux de Montbrison. Et c'est bien sûr tout public. C'est pour petits et grands de 8 à je ne sais combien. On s'écoute Mireille de Dick Annegarn, issu de son premier album, justement. Permettez-vous que j'emprunte votre oreille, histoire de vous raconter l'histoire de Mireille. Mireille est une mouche comme toutes les mouches. Le soir elle se couche, à l'aube elle se réveille. Un jour elle atterrit dans la cellule d'une crapule. Raymond était son nom, il tirait 20 ans de prison. Violeur, voleur, tueur, Raymond attend son heure. Abruti par l'ennui, la mouche le surprit. Raymond, bonjour la mouche, Mireille, bonjour Raymond. Soyons de bons amis et des amis pour de bon. La brute apprivoisée passant toute sa journée à jouer avec Mireille, pour bonne conduite et libérée. Qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on sort de prison? Dans une poche une mouche, dans l'autre quelques ronds. Si je me faisais denteur de puce, des cafards et d'abeilles, je me ferais manager. La bête de scène serait Mireille. Oh ouais! Voyons ce que ça donne, voyons si tu étonnes les clients de ce bistrot. Mireille va faire ton numéro. Tiens, une mouche, pardon, dit le garçon, et d'un pouce farouche. Mireille. C'est Dick Annegarn. Et c'est incontournable, je dirais, si vous aimez la chanson française, méconnaissable entre mille, sa voix si particulière, et alors un guitariste absolument excellent. Il fête 50 ans d'activité artistique et de ce premier album. C'est un double plateau, c'est ce 1er février, espace Guy Poirieux à Montbrison. Et d'ailleurs, eh bien, si vous vous rendez à ce concert, vous êtes invité à apporter plantes, arbustes ou fleurs pour garnir et décorer la scène. Voilà. Puis il y a de quoi se restaurer également sur place. Dick Annegarn, qui est aussi un grand collecteur de sons et de musique. En effet, il organise depuis des années maintenant des sessions de collectage de chants populaires et traditionnels aux quatre coins du monde francophone. C'est une belle démarche et un beau travail. Et cela a donné d'ailleurs lieu à un petit focus via Radio France et France Musique notamment, tout un reportage réalisé sur ce travail de collecteur que mène Dick Annegarn. Cette émission s'intitule Dick Annegarn, collecteur du génie populaire, que vous pourrez retrouver en réécoute ici et là. Et cela m'amène au CMTRA, qui est une association régionale basée à Lyon, qui œuvre à la valorisation des traditions musicales, et qui n'a pas échappé d'ailleurs à cette démarche de Dick Annegarn pour en rendre compte, et qui, au-delà, c'est l'occasion aussi de vous annoncer les concerts un peu plus loin que Saint-Étienne, et notamment du côté de Lyon, le CMTRA organise deux très belles soirées ce samedi 1er février. Il y a d'abord cette escale musicale dans les chansons amazighes du Moyen Atlas avec Fazaz, groupe marocain avec un son assez blues rock trans. C'est un duo, et cela sera joué au Riz ce week-end et ce samedi 1er février à partir de 17h30. Et le CMTRA également est à l'origine d'une autre belle soirée ce samedi 1er février à partir de 18h en un autre lieu lyonnais, c'est le Toy Toy Le Zinc, avec eh bien une soirée de chants populaires kurdes. Voilà, des chants populaires, chants de ce peuple délaissé face aux oppressions, un pays démantelé par les différents états du Moyen-Orient depuis des siècles et qui chante aussi tout cela. Voilà, ça va se passer au Toy Toy Le Zinc ce samedi 1er février à 18h. C'était l'occasion aussi de vous rappeler les activités du CMTRA. Et puis il y a d'autres concerts attendus cette fin de semaine pour passer très vite. Du blues rock'n'roll avec Monsieur Bossaigne qui nous vient bien sûr d'ici Saint-Etienne. Une veine assez 50s, esprit garage, blues rock. C'est à 6 bras et ils seront en concert au Petit Bistrot ce vendredi 31 janvier. Et c'est à partir de 19h30. C'est situé 25 Place du Peuple, je précise. Et puis vous annoncez encore par exemple du blues, et oui, avec Louis Mediasoma. Lui se produira au Ninkasi Synthé, ce sera aujourd'hui, ce 30 janvier, et c'est à partir de 21h. Et puis nous allons terminer, puisqu'il est grand temps de boucler, avec nos partenariats février du côté de la SMAC et la salle Le Fil à Saint-Étienne. Un sacré début de saison, encore de nombreux levées de rideaux pour la salle. Alors il y a ce concert partenaire dont l'émission Overdrive chaque vendredi soir 21h vous a très largement parlé avec une interview spéciale et des places que vous avez pu gagner pour le concert de Lophophora et Vertex. C'est ce vendredi 31 janvier, salle Le Fil. Il y a encore le 1er février, ce samedi, Poppy Fusée et Hugo Del Rosso. Une roller mix partie vivement dimanche, ce dimanche 2 février. Il y a A2H Kurden le 7 février dans un registre donc plus hip-hop rap, du blues avec Jaron Paxton et Bobby, ce sera le 14 février, musique de Jones, si j'ose dire, Liv Odman et Gringe le 15 février prochain, il y aura la Synthé Dub le 22 février et puis il y aura cette date coup de cœur duo avec ce trio attendu le 21 février prochain, salle Le Fil. Il s'agit de Marc Namour, Serge Tessoguet et Cyril Bibot qui forment le trio Zone Libre, qui était à géométrie plutôt variable. Il y a eu Kazé, il y a eu plusieurs chants lead sur ce trio. Batterie Cyril Bilbao bien sûr, guitariste Serge Tessoguet. Et c'est là le rappeur Marc Namour qui a déjà accompagné le trio et qui vont mettre là en musique et en parole les textes du grand révolutionnaire et auteur algérien Kateb Yassine sur cette musique free rock et donc poétique. Tout cela d'une brûlante actualité. Le spectacle, puisqu'on va dire ainsi, c'est dans le crépitement du brasier souterrain, avec donc Kateb Yassine mise à l'honneur et en véritable hommage au travers de ce projet. Ce sera le 21 février à 20h30 pour le concert, et ce sera aussi un duo par en live. Nous serons en direct de la salle le 21 février prochain à partir de 19h avec une interview auprès du trio que vous pourrez suivre aussi en public dès ouverture des portes à partir de 19h30, donc sur site et sur place. On aura l'occasion aussi de vous rappeler ce rendez-vous. En tout cas, pour l'ensemble de ces dates que je viens de communiquer, eh bien, des places vous attendent sur le 895 de Duo. Et oui, on vous invite aussi à suivre ces concerts. N'hésitez pas à nous contacter. Au bout du fil, c'est le 04 77 438 895 et au bout du clic, un petit mail sympathique, c'est tout simple hein, comme jeu, simplement l'envie et la curiosité, à redac@radiodio.org. Allez, avant-goût de ce crépitement du brasier souterrain avec le trio Zone Libre pour terminer ce programme. Des sons sensibles, c'est terminé, on se retrouvera lundi, bien sûr, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien, belle fin de journée, belle fin de semaine à vous. Ciao, bye. Ne croyez pas avoir étouffé la casse-bas. Ne croyez pas bâtir sur nos dépouilles votre nouveau monde. Ne croyez pas avoir étouffé la casse-bas. Ne croyez pas bâtir sur nos dépouilles votre nouveau monde. Moi, j'ai visité des villes écrasantes. Des villes dont les habitants craquaient entre les murs. Des villes comblées de voyous qui respiraient par de larges cicatrices comme des poissons, le ciel ouvert à la figure. Des villes de mendiants intraitables avec des chiens en peau de lion qui jappaient dans le ciel attachés à la misère. Des villes de fer où le muscle et le cœur choqué faisaient frémir les peaux d'épouvante murées de la sueur. Des villes tenues à l'œil. Et partout dans toutes ces villes vives, j'ai rugi de joie. J'ai rugi de joie. En sentant ronronner dans mes poils d'immenses tornades striées de bonne hostilité, de claire colère d'assassin, de fin projet de ruine. Fin projet de ruine.